je poursuis avec vous, hein, monsieur président, voilà, Bandakani. Quelles implications selon vous de cette résolution? Ben, dans l'ensemble, les résolutions sont bonnes. Je pense qu'on va, essayer de disséquer la configuration de ces, de l'ensemble des configurations globales de ces résolutions. Il y a les résolutions politiques, il y a les résolutions qu'on peut qualifier d'économiques, il y a les résolutions communautaires, des résolutions communautaires. Alors, au plan politique, le grand vainqueur de ce sommet, on peut le dire, c'est le président Ouattara. Lorsqu'on voit dans quelle situation ce pays s'est trouvé, la RCA s'est trouvée ces derniers temps, où la France et ses complices internationaux ont organisé l'isolement du pays et son asphyxie, n'est-ce pas, financière, on voit que là, le président Ouattara devient président de la CEMAC, le mandat, et de deux, vous avez tout à l'heure, vous l'avez convoqué, le déclenchement immédiat de la procédure de retour, n'est-ce pas, au fonctionnement des institutions basées en Centrafrique. Là, ça devient effectif, on ne tarde plus. Donc, sur le plan politique, c'est la reconnaissance et la consolidation, n'est-ce pas, non seulement de l'autorité politique du président Ouattara, mais aussi de sa légitimité dans un contexte, n'est-ce pas, où les ennemis de la Centrafrique ont des projets que tout le monde connaît, de déstabilisation du pays, de recommencement de la guerre. Bouzizé l'a dit clairement depuis son prétendu exil en Guinée-Bissau. Il l'a dit, et nous sommes au courant d'un ensemble d'opérations qui se préparent à partir du Soudan, du Sud-Soudan, n'est-ce pas, de la part des Français. On a des éléments sérieux là-dessus, on n'est pas au niveau de conjecture, hein. On a des éléments sérieux là-dessus, de la volonté de la France, n'est-ce pas, de déstabiliser à nouveau la RCA. Et ensuite, n'est-ce pas, l'appui, n'est-ce pas, qu'on apporte au président Mahamat, du Tchad, où le sommet de la semaine l'a carrément félicité pour la conduite de la transition. Dans un contexte où, n'est-ce pas, les événements précédents qu'il y a eu dans le pays et qui ont ému le monde, n'est-ce pas, cette manifestation qui s'est soldée dans le sang, bah, il y a eu une volonté de discréditer la transition au Tchad, et en particulier le président Mahamat Idriss Déby qui l'a conduit. Donc là, il a un soutien ferme et clair au niveau de la CEMAC, un soutien politique. Maintenant, au niveau économique, il faut remarquer que la fameuse question monétaire on a repoussé dans le but de renforcer les réflexions, n'est-ce pas, et de lui donner, un caractère plus concret à ces réflexions-là. Les choses, le président de la commission l'a dit. Plus concret, c'est-à-dire un calendrier avec des objectifs bien précis. Donc, on sort là de la réflexion pour entrer dans la phase concrète où des propositions claires vont être mises sur la table pour que les décisions soient prises. Alors, ça laisse beaucoup de gens sur leur faim, comme nous. En particulier, nous, on voulait que ça aille très vite, mais je pense que tout ça n'est pas mauvais. Ce n'est pas incompatible. Le cap est pris. Hein. Il faut écouter le président de la commission, la CEMAC, dans un média, RFI, vous ne pouvez pas la citer, il a été clair. Il a répondu aux journalistes en disant que non, les pays de la CEMAC peuvent gérer leurs devises. C'était clair. Donc, quand vous connaissez ce type de discours, c'est un indicateur sur les perspectives et la qualité de décision qui vont être prises dans l'avenir. Le franc CFA est mort. Cette convention-là, c'est terminé. Alors, le président français fait des provocations matin, midi, soir, il interprète tous les jours la CEMAC, tout ça, et qu'on soit pour dire, moi j'attends. Ce type de discours venant du président de la France veut dire que c'est lui qui a mauvaise posture. Ça veut dire qu'il n'a pas l'initiative comme à l'Afrique de l'Ouest. C'est carrément lui qui a tout piloté, il a décidé les calendriers, tout. Il a tout imposé, il a assuré la clôture du compte des opérations, tout. Quand vous voyez le président français se lamenter matin, midi, soir, rappeler que non, au niveau de la semaine, nous on est prêts, on attend. Pour ceux qui savent décrypter ce discours, ça veut dire qu'il n'a pas l'initiative de la situation. Et qu'en Afrique centrale, ça paraît lent pour certains, mais au moins les dirigeants conservent l'initiative et mènent une réflexion très approfondie. En tout état de cause, la situation actuelle est favorable au pays de la CEMAC. Hein. C'est en leur faveur parce que à partir du moment où le franc CFA n'existe plus légalement, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de parler. La Banque centrale, la BAC, fait ce qu'elle veut. Hein. elle peut discuter avec, collaborer avec toutes les banques centrales du monde. Ça, c'est informel, mais c'est un fait. Et c'est même derrière ce qui se passe, hein. C'est un fait. Donc, pour dire qu'on est dans une situation transitoire qui ne rassure pas certains, mais dans le fond, le travail, quand on coule la résolution qui a été faite, le travail est précis. Et quand on regarde les pressions géopolitiques qui pèsent au niveau de la CEMAC, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'accélérer. Parce que je prends l'exemple, c'est pour que les gens me comprennent. Vous voulez faire quoi avec les BRICS? Si la question de France, il ne fallait pas clarifier. Ouais, je dis ça pour rassurer ceux qui pensent que non, ça dort. Ils n'ont pas le choix, parce que si vous voulez consolider les avantages de la des changements géopolitiques dans le monde, le changement de la question monétaire, son adresse, est une obligation. Vous ne voulez pas le choix, parce que ceux d'en face attendent de ça. Et les BRICS ont démontré qu'ils sont très intéressés par l'Afrique centrale, c'est-à-dire que le siège de la CEMAC, des BRICS dans la CEMAC, c'est à Bangui. Donc les choses sont claires. Il y a quelques semaines à Bangui, des accords très ambitieux ont été signés entre la SEA et les BRICS. C'est des choses très très concrètes. Donc, ça c'est clair. L'autre point en matière économique concernant cette résolution, c'est la question de crypto-monnaie. Quand vous écoutez le discours, la résolution, ce qu'a dit le président de la Commission, vous voyez très bien que c'est une avancée. On n'a pas remis en cause, n'est-ce pas, le projet de la SEA. Au contraire, on demande, n'est-ce pas, à l'UMAC, n'est-ce pas, d'intensifier, d'accélérer la mise à jour du cadre juridique, n'est-ce pas, qui régit la circulation monétaire dans la sous-région, en intégrant la crypto-monnaie. C'est ce qu'on demande. Et d'ailleurs, aussi au niveau de l'Assemblée, au niveau de la SEA, il y a eu un travail qui a été fait, on a retouché certains éléments, n'est-ce pas, pour essayer d'être en accord avec la sous-région. Donc un compromis est trouvé. On est en train d'aller vers un compromis de fait qui intègre, n'est-ce pas, la crypto-monnaie en même temps qu'on demande à la Centrafrique de prendre en compte certains aspects, n'est-ce pas, qui sont liés à la situation réelle de la sous-région en la matière. En fait, c'était un retard. La sous-région a été bousculée par la Centrafrique et la sous-région était en retard. Les gens de la BEAC dormaient, n'est-ce pas, ils dormaient, ils sommeillaient là sous le privilège, n'est-ce pas, d'une zone monétaire qui ne les bousculait pas beaucoup. Alors, l'arrivée de la crypto-monnaie de la part de la Centrafrique a bousculé les abus, les habitudes. Mais là, c'est désormais irréversible. C'est une avancée. C'est une avancée. Alors, ça, c'est au niveau économique. Je n'ai pas insisté sur l'accélération des projets intégrateurs. Là aussi, ça traîne. Et le président Camerounais, dans son discours, a dit il faut passer à la seconde génération. Donc, il faut effectivement accélérer, n'est-ce pas, l'effectivité de 11 projets intégrateurs. Je voulais vous rappeler que ce projet-là a été le temps consacré pour leur mise en œuvre, c'était, je crois, jusqu'en 2025, je crois. J'ai vu, c'est ça, 2020, disons les choses à cycle. Ouais, hein, 2025. Alors, quand on fait le bilan, ce n'est pas assez, ce n'est pas, les taux d'exécution ne sont pas encore faibles. Donc, il faut les accélérer pour que, n'est-ce pas, l'intégration soit réellement physique dans la sous-région et qu'on booste le commerce, non seulement surtout le commerce, surtout au niveau réellement communautaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que, bon, ok, on va faire l'intégration en matière économique pour continuer, n'est-ce pas, à vendre comme on vend là. Entre nous, on ne collabore pas, on ne commerce pas. Parce que quand vous écoutez le venant de la Commission elle-même, le taux de commerce intercommunautaire, pas plus de 5%. Ça veut dire que les pays là entre eux, ils parlent d'intégration, mais ils commencent même pas entre eux. Ils font de l'intégration pour continuer la logique coloniale. Or ça ne nous sert pas, c'est pas notre avantage. Donc là, pour terminer enfin, au niveau communautaire, on a l'insistance sur le paiement des contributions par les États membres est clair. Taxe communautaire d'intégration, des États collectent, mais ne reversent pas. D'où l'accumulation des arriérés. Alors là, il y a une résolution qui est claire, qu'il faut liquider les arriérés. Parce que comment est-ce que la commission va fonctionner, n'est-ce pas, si les gens collectent des taxes, la taxe communautaire, et ne la reversent pas. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de ce sommet-là. On est satisfaits parce que, le cap est clair, c'est sortir du franc CFA. en finir avec le franc, avec le franc CFA, configurer la sous-région de manière qu'elle soit en situation de profiter, n'est-ce pas, des changements géopolitiques et évidemment géoéconomiques qui se profilent au niveau mondial et qui sont avancés. Là, j'ai suivi un dernier rapport, n'est-ce pas, de montrer clairement que les BRICS ont pris le dessus, n'est-ce pas, sur l'Occident, n'est-ce pas, sur l'Occident, en termes de poids dans le commerce mondial. Et les perspectives disent que d'ici 5-10 ans, cette avancée va s'aggraver, va s'accélérer et va s'aggraver. Donc vous voyez que l'avenir du monde est en train de se dessiner. Et il faut que la sous-région soit, comment dire ça, à la hauteur, se mette à la page, n'est-ce pas, pour profiter, n'est-ce pas, de cette opportunité géopolitique et géoéconomique qui nous est offerte. Je pense que dans l'ensemble, on peut, tout en gardant la mesure, on peut se féliciter, n'est-ce pas, des travaux de ce sommet-là. Afrique Média, le monde, c'est nous.